Deuxième partie du chapitre 3 de L'Épouvante par Maurice Level. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La dernière matinée d'Onésime Coche, reporter. Deuxième partie. Les curieux étaient venus en si grand nombre qu'on avait dû établir un service d'ordre. On avait dégagé les abords de la maison et, dans un demi-cercle vide, Coche et quelques journalistes arrivés en hâte causaient avec animation. Le représentant d'un journal du soir, un méridional ardent et parlant fort, s'irritait de ne rien savoir de précis. Il lui fallait absolument un papier pour midi, et il était près de 10 heures. Coche, dont le journal avait le premier et le seul annoncé la nouvelle, était assailli de questions. Mais sa loquacité habituelle avait fait place à une réserve obstinée. Il n'était au courant de rien. Il attendait comme les autres. S'il avait eu la moindre indication, il se serait fait un plaisir de la passer aux confrères. Ne fait-on pas ainsi journellement entre reporters, et n'est-ce pas le meilleur moyen de donner des renseignements nombreux et sûrs? Chacun glane ce qu'il peut, bien qu'envoyé spécial d'une feuille, on se partage la besogne, et la dépêche qu'on expédie n'est que le résumé plus ou moins adroit de ce que chacun sait. Tout le monde y gagne, en somme, car on ne peut exiger d'un homme qu'il se trouve en 10 endroits à la fois. Pour faire l'information tout seul, il faudrait disposer de sommes parfois considérables, de moyens de transport coûteux ou impossibles à se procurer. Tandis qu'à 3 ou 4 qui s'entendent, on met les frais et les renseignements en commun. Enfin, pour donner à son papier une note personnelle, pour avoir l'air d'avoir dit quelque chose, on invente, on brode. Une rectification se produit-elle? On l'insère parce que la loi leur donne, mais en ayant bien soin de la faire suivre d'une courte note où l'on affirme, après avoir souligné le respect qu'on a du droit des individus, qu'on maintient formellement les termes de l'information produite la veille. Et Coche, se défendant de rien savoir, insistait sur ce point, évoquant 10, 20 circonstances dans lesquelles, bon confrère, il n'avait jamais gardé par devers lui les renseignements qu'il tenait du hasard ou de son habileté. Le journaliste du midi approuvait ses paroles, tout en trépignant d'impatience. Les autres avaient le temps d'être calmes, parbleu. Il leur restait l'après-midi et la soirée pour aller aux nouvelles. Lui était pris de court. Il ne comprenait pas qu'en ce moment, le commissaire pût avoir une préoccupation plus grave que celle-là. Le temps passait, et personne ne sortait toujours pas de la maison. Un des reporters émit l'avis qu'il faisait soif et qu'on pourrait tout aussi bien attendre dans un café. Mais dans ce sale quartier, où en trouver un? À 5 minutes d'ici, fit un curieux. « Au bout du boulevard, prenez l'avenue Henri Martin. Il y en a un place du Trocadéro. »« Parfait !» fit le méridional. « Vous venez, Coche ?»« Oh, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas tout de suite, du moins. Mais allez-y, vous. Si j'ai quelque chose, je vous préviendrai. »« Entendu. Vous venez, les autres ?» Coche regarda ses confrères partir et se retrouva seul. Il ne lui déplaisait pas de les voir s'éloigner. Depuis qu'ils étaient là, il sentait tout le poids de son secret. 20 fois il avait été sur le point de laisser échapper un mot, une phrase. Il avait dû faire un effort très grand sur lui-même pour ne rien dire aux confrères du midi, sachant que le pauvre diable comptait peut-être sur son papier du soir, à 4 centimes la ligne, pour donner un acompte à son restaurateur. Mais quoi? Par une vaine pitié, par une sensiblerie de grisette, allait-il tout gâter, déflorer son information? Risquer de perdre une partie si bien engagée? Plus tard, il le dédommagerait. Pour l'instant, cette affaire était son affaire. La bonne camaraderie ne lui avait pas si bien réussi qu'il lui sacrifiât une pareille chance de succès. Petit à petit, il sentait l'énervement de l'attente l'envahir. Il était partagé entre la joie secrète de savoir la police en train de patauger et la curiosité de connaître les détails de cette constatation. Entre-temps, il écoutait les bavardages de la foule, essayant d'attraper un mot qui le renseignât sur l'identité de la victime, ses habitudes, sa façon de vivre. Car il se trouvait dans cette situation bizarre de connaître mieux que personne une partie de la vérité, la partie passionnante, terrible, mais d'ignorer, de la façon la plus absolue, cette chose que n'importe qui pouvait savoir, le nom de l'assassiné. Des bribes de phrases qu'il entendait, il ressortait que personne n'était plus avancé que lui. Des voisins racontaient que le vieillard sortait rarement, juste pour faire ses provisions, que parfois, l'été, à la nuit close, il se promenait un peu dans son jardin, mais qu'il ne recevait jamais personne, faisant lui-même son ménage, menant une existence calme et mystérieuse, dont on avait cherché souvent, mais en vain, à en découvrir le secret. Vers midi, le commissaire, accompagné de son secrétaire et de l'inspecteur, sortit. Les trois hommes s'arrêtèrent dans le jardin, levèrent les yeux vers les fenêtres, s'approchèrent du mur tout en parlant avec animation, puis se dirigèrent vers la grille. Au moment où ils allaient la franchir, Coche fit un pas. « Eh bien, monsieur le commissaire ?»« Votre information était exacte. » « Maintenant que vos premières constatations sont faites, serait-il possible d'entrer, ne fût-ce qu'un moment ?»« Ce serait tout à fait dénué d'intérêt, je vous assure. Je ne demande pas mieux que de faciliter votre tâche, et si vous voulez m'accompagner jusqu'à mon bureau, en route, je vous raconterai ce que j'ai vu, ce que je peux vous dire. J'ajoute que mon opinion est faite et que les choses iront, je pense, rondement. » « Vous avez découvert des indices, relevé des traces ?»« Monsieur Coche, ne m'en demandez pas trop. Et vous, pendant tout ce temps, qu'avez-vous fait ?»« J'ai réfléchi, j'ai écouté, j'ai regardé. Et c'est tout ?»« À peu près. » »« Vous voyez que si je ne disais rien, vous seriez fort en peine pour faire votre article de demain. Mais rassurez-vous, je vous en confierai plus qu'il n'en faut pour remplir deux colonnes. » »« Eh bien, monsieur le commissaire, je ne veux pas être en reste avec vous. » Au cours des 3 heures que j'ai passées ici, j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, réfléchi, écouté et regardé. La réflexion, je l'avoue, ne m'a pas conduite à grand-chose. En écoutant, je n'ai pas recueilli de renseignements précieux. Mais en regardant, oh, en regardant, vous n'imaginez pas quelle acuité prend le sens de la vue quand il travaille seul. Ce qui nous gêne la plupart du temps, ce qui paralyse l'effort de nos sens, c'est la distraction de l'un par l'autre. Il m'a toujours semblé, sinon impossible, du moins très difficile, de percevoir nettement, en tirant un coup de fusil, le bruit de la détonation, le nuage de fumée, l'odeur de la poudre et la secousse de l'épaule. Mais si je parvenais à fixer un seul de mes sens, celui de Louis par exemple, j'analyserais la détonation d'une façon parfaite. Dans ce bruit, simple en apparence et violent, je démêlerais presque les 1000 déflagrations des 1000 grains de poudre, le frisson que le plomb filant à toute vitesse fait passer dans les feuilles, et j'entendrais l'écho à la seconde où il s'éveillerait dans les bois. Or, tout à l'heure, certain que je n'entendrais rien, que pas un murmure ne viendrait du dedans jusqu'à moi, que les conversations des badauds n'avaient pas plus d'importance que des bavardages de commères, fatigué de chercher à déchiffrer un mystère dont la clé était sans doute entre vos mains, j'ai regardé. Le commissaire qui, depuis un instant, écoutait distraitement, ouvrit la bouche et commença « Mais… » Coche ne le laissa pas formuler sa phrase et, très naturellement, poursuivit. « J'ai regardé, oh, regardé passionnément, furieusement, comme doit regarder un être qui n'a plus que le sens de la vue pour le guider. Regardé comme regarde un sourd, comme écoute un aveugle. Toute mon intelligence, toute ma volonté de comprendre a passé dans mes yeux. Et mes yeux, travaillant seuls, sans le secours de mes autres sens, mes yeux ont vu une chose à laquelle vous n'avez pas, je crois, prêté la moindre attention, une chose qui peut être sans intérêt, comme elle peut être d'une importance capitale, une chose qu'il faut voir aujourd'hui, car elle aura sans doute disparu demain, ce soir, dans une heure. Et cette chose ? Si vous voulez bien vous retourner, vous la distinguerez, non pas aussi bien que moi, car elle s'est effacée depuis une heure, mais assez cependant pour que vous regrettiez, j'en suis certain, de n'y avoir pas fait attention plus tôt. Cette chose, c'est l'empreinte d'un pied marqué sur la terre. C'est cette petite tache qui se dessine dans le gazon, un peu plus sombre au milieu de la gelée blanche. Le soleil l'a quelque peu abîmée. Tout à l'heure, elle était d'une netteté remarquable. « Rentrons !» fit vivement le commissaire. Coche, cette fois, le suivit. Quand il posa son pied sur le sable de l'allée, il éprouva une sensation indéfinissable d'orgueil et de peur. Machinalement, il regarda l'empreinte et ses pieds. La trace allongée, étroite, ne ressemblait guère à celle que ses gros souliers américains venaient de faire sur le sol. Il avait adopté pour le travail les chaussures à bout arrondi, à semelles débordantes, mais ne portait le soir que des souliers très fins, étant fier de son pied cambré et délicat. Penché sur le gazon, le commissaire examinait cette empreinte. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, avait crevé les nuages gris. De petits rayons de lumière doraient par place la couche mince de givre. L'un d'eux tomba directement sur l'empreinte. Un centimètre, un crayon, vite !» fit le commissaire, en tendant la main sans se retourner. « Un crayon, voilà !» fit le secrétaire. « Mais je n'ai pas de centimètre. »« Qu'on court m'en chercher un. Monsieur Coche, vous avez un appareil photographique ? Seriez-vous assez aimable pour me prendre un cliché de cette empreinte ?»« Volontiers. Mais la photographie ne vous donnera qu'une image, une simple image, très petite, à laquelle manqueront les rapports avec les points de repère que vous pourriez établir sur le sol. Les clichés d'objets posés à terre sont très imparfaits. Pour relever la position d'un corps, il faut des appareils spéciaux, très compliqués. Au reste, nous sommes arrivés bien tard. Le soleil fait fondre tout cela. Mon empreinte... » Il eut une hésitation imperceptible en prononçant ces deux mots. « Mon empreinte » et rectifia très vite. L'empreinte que j'avais remarquée devient de plus en plus vague. Ses bords s'estompent, disparaissent. Dans une minute, il n'en restera rien. Voyez, on ne distingue presque plus le talon. La semelle à son tour commence à fondre, diminue. C'est fini. Quel dommage que vous ne soyez pas sorti quelques instants plus tôt. Tout au fond de lui, il éprouva un soulagement réel et très grand. Pendant quelques minutes, il lui avait semblé, pure imagination du reste, que les trois hommes l'avaient dévisagé à la dérobée, comme si, sous ses gros souliers, ils avaient deviné le pied fin et petit, capable de laisser dans la gelée blanche du matin l'empreinte que le soleil avait fait disparaître en un instant. Son but, pourtant, était bien de se faire soupçonner, arrêter même. Mais plus ce but devenait proche, plus il s'efforçait, malgré lui, de l'éloigner. La justice lui apparaissait comme une force redoutable, comme une bête aux 100 bras qui ne rend pas volontiers sa proie. Puis il sentait qu'il avait tout à gagner à rester maître de l'heure, à pouvoir choisir l'instant précis où il lui plairait de se laisser prendre. Pour bien connaître et bien juger tous les rouages de la police, il voulait en pouvoir suivre le jeu, en commander presque la marche, la ralentir ou l'accélérer à sa guise. Aussi, lorsque le commissaire, pour ne pas laisser deviner son dépit, murmura « Après tout, peut-être cette empreinte provenait-elle de l'un de nous. Mon secrétaire qui était à ma gauche peut fort bien avoir posé le pied sur le gazon. » Coche se rangea à son avis, sans capituler tout à fait cependant. Il n'était pas mauvais qu'un peu de trouble subsistât dans l'esprit du magistrat. Il sentait qu'en disant cela, le commissaire masquait une partie de sa pensée et que, sans tenir compte d'une façon apparente de cette empreinte, il ne pourrait s'empêcher, au cours de son enquête, d'en faire état. Il dit donc, d'un ton assez détaché, « Autant que je puis l'affirmer, il me semble bien que personne de vous n'a marché sur la plate-bande. Pendant que vous traversiez le jardin, je vous suivais des yeux, et j'aurais remarqué, je crois... La seule chose dont je sois certain, c'est que cette empreinte était d'une netteté parfaite lorsque je l'ai vue pour la première fois. Maintenant, je vous le répète, de là à certifier qu'elle existât avant votre entrée dans l'allée... Le mieux, en tout cas, est de n'en point parler. » Cette dernière phrase acheva de rassurer le commissaire. Il lui eût été désagréable qu'on pût lui reprocher d'avoir été moins perspicace qu'un journaliste. Cette faute pouvait nuire à son avancement, et, reconnaissant à Coche d'avoir deviné sa pensée, devancé ses désirs, il lui dit d'un ton presque amical « Montez en voiture avec moi, j'aurai le temps de vous donner quelques tuyaux. » « Je préférerais... » fit Coche, le sentant un peu à sa discrétion, « pénétrer avec vous ne fût-ce qu'une minute dans la chambre du crime. Les renseignements que vous me donnerez me seront précieux, sans aucun doute, mais qu'un confrère vienne dans une heure à votre commissariat, vous ne pourrez guère lui taire ce que vous m'aurez révélé. Tandis que, vous voyez, je suis seul journaliste avec vous. Les autres, perdant patience, sont partis, et, si vous accédez à mon désir, il vous sera facile de répondre à ceux qui se plaindraient d'avoir été moins favorisés que moi. Il fallait être là. Et puis, une chose vue prend une importance énorme aux yeux du lecteur. Quand bien même je ne resterais en présence du corps qu'une seconde, je pourrais en donner une impression bien plus violente. Si cela vous tient tant au cœur, suivez-moi donc. Nous ne ferons qu'entrer et sortir, mais du moins vous aurez vu. Je n'en demande pas davantage. » Le petit groupe entra dans la maison. Le corridor que Coche avait exploré la nuit, à tâtons, lui parut très large. Il se l'imaginait étroit, avec des dalles grises, des murs nus et blancs. Le carrelage était en briques rouges luisantes. Le mur, d'un vert tendre, était orné de vieilles gravures, d'armes, de bibelots anciens, et l'escalier, qu'il eût juré de bois vermoulu, était en pitch-pain ciré. Tout dans cette demeure était propre et gai. L'escalier gravit, il se reconnut mieux sur le palier et, de lui-même, s'arrêta devant la porte. Il regretta cet arrêt involontaire et se demanda « À la place du commissaire, l'aurais-je remarqué ?» Mais il n'eut pas le temps de réfléchir longuement. La porte s'était ouverte. Il fit un pas et s'arrêta, très ému. Ce retour dans la chambre où il avait passé des minutes si effrayantes était doublement impressionnant. En l'espace d'une seconde, il déplora son projet de la veille et la curiosité qui l'avait poussé à revoir ce spectacle. D'un geste machinal, sans oser regarder autour de lui, il se découvrit. Chose étrange, lui qui n'avait pas craint de fouiller les papiers épars, de remuer les linges maculés de sang, de toucher même ce cadavre à l'heure où tout était danger, où, ignorant des êtres et des lieux, il risquait sa vie pour un geste, pour un murmure, il tressaillit et retrouva en lui cette peur imprécise, inexplicable et souveraine qui, la veille, l'avait étreint sur le boulevard solitaire, près du quartier de gendarmerie. « Faites bien attention, » lui dit le commissaire. « Ne touchez à rien. Ne déplacez rien, même pas ce morceau de verre, là, sous votre pied. Rien n'est négligeable en pareil cas. Là, là, c'est un fragment de bouton de manchette. Ça n'a probablement aucune importance. Mais on ne sait jamais. » Coche n'était pas de ceux qui demeurent longtemps sous une impression pénible. À force de blaguer les autres, il en était arrivé à se blaguer lui-même, et la réflexion candide du commissaire l'emplit d'une joie profonde. Ce bouton de manchette sans importance. Il réfléchit. Et si ce policier était de première force? S'il avait su démêler au milieu de ce désordre ce qui est vrai de ce qui est truqué? S'il lisait en moi, ironique à sa façon, s'amusant à me voir me donner tant de peine pour mal mentir? Le commissaire reprit. Tout indique une lutte courte mais désespérée. Cette table déplacée, cette chaise brisée, la glace fendue, le corps renversé sur le bord du lit. Regardez-le. Vous ne trouverez jamais face d'assassiné plus effrayante. Toute la scène du meurtre est là, sur cette figure. Je la devine aux lèvres retroussées, aux yeux révulsés. Je la lis sur ses mains agrippées au drap. N'est-ce pas que c'est terrible? Vous n'avez jamais rien vu de pareil, j'en suis sûr. Si. Murmura Coche, se répondant à lui-même. « J'ai vu un jour un homme assassiné, mais assassiné depuis une demi-heure à peine. À peine refroidi, il gardait comme un souvenir de la vie dans les yeux. Il était étendu ainsi, dans une mare de sang. La blessure qu'il portait était presque identique, et cependant il avait je ne sais quoi de plus sinistre que celui-ci. Celui-ci, je le regarde sans peur, comme je regarderais un visage de cire. C'est un mort, simplement. » Cette chambre est pareille à 20 autres chambres. Tandis qu'en contemplant l'autre, celui que j'ai vu, autrefois, j'eus la sensation qu'il lui restait de l'épouvante autour de la figure, entre les lèvres, devant les yeux. La maison, une maison paisible et gaie comme celle-ci, suait le meurtre, sentait le sang vivant, chaud et fumant, pareil à celui qui coule entre les dalles des abattoirs. Demain, dans 8 jours, j'aurai oublié celui qui est devant moi. L'autre... Je garde son image et je sens que je la garderai toujours. » Il avait parlé d'une voix sèche, appuyant les phrases, crispant les doigts, à la fois tenaillé par une épouvante réelle et enivré par la volupté redoutable de se savoir au bord de l'abîme et de penser. En ce moment, les mots que je dis n'ont de sens que pour moi. Nul ne peut lire derrière la barrière infranchissable de mon crâne où dort toute la vérité. Je la tiens dans ma main comme un oiseau captif. J'entr'ouvre les doigts et je la sens battre mes paumes, prête à m'échapper. Je resserre mon étreinte, je l'étouffe, je la reprends. Je n'ai qu'un mot à dire. Un geste à faire. Non, je ne dirai pas ce mot. Je ne ferai pas ce geste. C'est curieux, j'aurais cru, fit le commissaire. Moi qui pourtant ai l'habitude de ces sortes de spectacles, j'avoue que celui-ci m'a causé une émotion extraordinaire. « Et c'est à Paris que vous avez vu ce mort ?»« Oh non, en province, il y a longtemps, 10 années, » balbutia Coche. Et entendant que sa voix sonnait le mensonge, il ajouta, pour effacer l'impression bizarre causée par son récit, « Je débutais dans une petite feuille locale du côté de Lyon. Le crime assez banal ne fit de bruit que dans la région. Je me souviens qu'on n'en parla pas du tout dans les journaux de Paris. » Cette fois, il eut la sensation très nette que les trois hommes avaient les yeux fixés sur lui, et son angoisse fut si violente qu'il dut reculer d'un pas et s'appuyer au mur pour ne pas fléchir sur ses jambes. « Je crois, fit le commissaire, que vous en avez vu assez pour faire votre article. Mais que diable, vous qui avez de pareils souvenirs, vous devriez être un peu plus solide. Vous êtes effroyablement pâle. » « Oui, je sens... Je dois en effet être très pâle. Brusquement, la tête m'a tourné. Ce ne sera rien. »« Allons-nous-en, » répondit le commissaire en lui montrant le chemin, et, à mi-voix, il glissa à son secrétaire. « Tous les mêmes, ces sacrés journalistes. Ils ont toujours vu plus fort, et quand ils sont au pied du mur... » Coche n'entendit pas, mais voyant le commissaire parler bas en le regardant de côté, convaincu qu'il s'était trahi par sa sortie maladroite et son insistance à donner des détails que personne ne lui demandait, il pensa « Déjà ? Je ne suis qu'un maladroit !» En traversant la chambre, ses yeux se portèrent sur la glace. Son visage s'y reflétait à la place où il l'avait vu la veille. Il lui sembla qu'il était bien plus pâle, qu'un cercle plus foncé se creusait au-dessous de ses yeux, qu'un rictus plus sinistre tordait sa bouche, et que sa face, enfin, était pareille à celle des condamnés à mort que le bourreau traîne sous le couteau. Il ferma les yeux pour ne plus se voir, et sortit de la chambre les épaules serrées, les jambes raides, claquant des dents. Il ne reprit son sang-froid que dans la rue. L'air frais qui lui fouettait le visage dissipa l'affreuse vision. Il sourit de sa terreur et, assis dans le fiacre, s'écria « Décidément, j'ai perdu l'entraînement. Pardonnez-moi, j'ai été lamentable, au-dessous de tout. » « Peuh, manque d'habitude. » La voiture roulait doucement, secouée par le trot inégal du cheval poussif. La lumière, un instant plus vive sous la caresse du soleil frileux, commençait à s'éteindre. Une ombre grise descendait du ciel plus bas. La neige se mit à tomber, d'abord en une poussière fine, puis à gros flocons serrés et lourds qui descendaient verticalement dans le grand silence du boulevard désert. Les deux hommes se taisaient, plongés dans leurs réflexions. Coche effaça du bout des doigts la buée du carreau et regarda le sol, les maisons et les flocons de neige. Il aurait bien voulu savoir ce que pensait le commissaire, ce qu'il avait vu, ce qu'il croyait, mais, par une prudence excessive, il hésitait à parler le premier. Pourtant, se rendant compte que son mutisme pourrait sembler surprenant, il demanda « En somme, votre avis sur cette affaire, monsieur le commissaire ? Est-ce le crime banal ayant le vol pour mobile, ou pensez-vous qu'on doive lui chercher des causes plus obscures, plus lointaines ?»« S'il faut vous donner ma pensée exacte, je vous dirai que, dès à présent, j'écarte le vol. Je ne prétends pas, bien entendu, que certains objets, des valeurs même, n'aient point disparu. Je suis certain, tout au contraire, qu'on a soustrait des bibelots, de l'argent. Mais c'est pour avoir l'air. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a tenté d'établir une mise en scène capable d'égarer la justice. « Diable ! » songea Coche. « Serais-je tombé sur un monsieur Lecoq en chair et en os ? S'il en est ainsi, la veine ne veut pas de moi. » Et tout haut, il ajouta « Voilà qui est tout à fait intéressant. J'avoue que rien de ce que j'ai pu voir n'avait fait naître en moi un semblable soupçon. Ainsi posé, le problème apparaît singulièrement compliqué. Pour un esprit superficiel, oui. Pour moi qui, depuis 23 ans, ai pris l'habitude d'évoluer dans les milieux les plus divers, parmi les intrigues les plus savamment tourdies, il n'en va pas de même. Bref, s'il me fallait exprimer mon impression, je dirais « Un homme parfaitement au courant des habitudes du vieillard est entré dans la maison, s'est emparé de papiers capables ou de lui être utile ou de le compromettre. » « Ah bah ! » fit Coche extraordinairement intéressé. « Des papiers ? De simples papiers, vous croyez ?»« J'en suis sûr. J'ai trouvé dans un tiroir plusieurs centaines de lettres pêle-mêle. Elles n'avaient pas été placées ainsi par leur destinataire, j'en jurerais. L'assassin, après les avoir parcourues, après avoir fouillé les enveloppes, a vivement rejeté le tout en désordre. Trouva-t-il ce qu'il cherchait ? L'enquête nous renseignera sans doute sur ce point. » Le certain, c'est que, afin de faire croire au meurtre ayant le vol pour mobile, il s'est emparé de quelques pièces d'argenterie, le tiroir du buffet a été bousculé, et d'une somme d'argent qui devait se trouver dans un porte-monnaie ramassé par mon secrétaire derrière le lit. je ne serais pas étonné que certains bijoux eussent été dérobés, toujours pour la raison que je vous exposais au commencement. Je puis vous le confier, puisqu'aussi bien dans une heure tous les bijoutiers de Paris et demain tous les bijoutiers de France le sauront, j'ai trouvé par terre un fragment de bouton de manchette dit à chaînette, qui appartenait vraisemblablement à la victime. Enfin, et ceci pour n'être qu'un argument psychologique, n'en a pas une moindre valeur à mes yeux, l'ordre, si je puis m'exprimer ainsi, qui régnait dans le désordre. Je ne sais quel souci de propreté, mêlé à l'horreur du massacre, me permet d'affirmer que le crime est l'œuvre d'un personnage appartenant à une classe plutôt élégante de la société, que ce personnage est un être parfaitement équilibré, doué d'un rare sang-froid, et qu'il a agi seul. Je vous dirai encore, mais je vous en ai déjà trop dit. Coche avait écouté le commissaire sans l'interrompre. Son inquiétude du début avait fait place à une satisfaction profonde. Son plan si vite établi, si rigoureusement exécuté, n'échouerait pas. Il en était sûr maintenant. Bien plus, sa mise en scène suggérait à la police des idées auxquelles lui-même n'avait pas songé. On eût dit que le commissaire compliquait les choses à plaisir et qu'au lieu de déduire logiquement des faits un commencement de preuve, il s'efforçait de jouer la difficulté. Il n'était pas jusqu'aux choses les plus simples qui ne prissent pour lui l'aspect d'indices sérieux. Parti sur une fausse piste, il ramenait à son idée première les faits les plus divers. Ayant écarté, dès la première minute, l'hypothèse d'un crime de rôdeur, la seule véritable et la plus plausible en tout cas, il interprétait tout en fonction de sa théorie personnelle. Au premier pas, sans hésitation, tête baissée, on était allé donner dans le piège que lui, Coche, avait tendu. Lorsque le commissaire avait dit « On a imaginé une mise en scène capable d'égarer la justice. » Coche avait cru que le magistrat, doué d'une rare pénétration d'esprit, avait entrevu la vérité, alors qu'en réalité, il l'entourait d'un nuage plus épais, la protégeait derrière une barrière plus infranchissable. Ainsi, non seulement sa ruse n'était pas soupçonnée, mais par une extraordinaire transposition des faits, pour l'homme chargé de guider les premières recherches, tout ce qui avait semblé au journaliste devoir constituer un début de charge contre lui n'était tenu que pour quantité négligeable. Cette interprétation lui parut si bouffonne qu'il voulut l'entendre formuler nettement en des termes ne laissant place à aucune équivoque. Si je vous comprends bien, l'assassin unique, l'homme du monde meurtrier, a voulu faire croire à un crime de rôdeur. Il a essayé, sans y parvenir, de « faire du désordre ». Il n'a pas volé ainsi que l'aurait fait un professionnel du cambriolage. Il a opéré seul et a voulu faire croire qu'il avait des complices. Exactement. La voiture s'était arrêtée à la porte du commissariat. Coche descendit le premier et tapa du pied pour se dégourdir les jambes. Il était d'une humeur charmante. Les choses marchaient mieux qu'il n'aurait osé l'espérer. En quelques heures, il avait recueilli plus de renseignements, il avait entendu formuler plus d'erreurs qu'il ne lui en fallait pour rédiger ses deux premiers articles. Il remercia le commissaire et lui dit, très naturellement, « Avec ce que vous m'avez confié, me voilà tranquille. Je suis tout à votre disposition si je puis vous être utile en quoi que ce soit. » « Je ne dis pas. À l'occasion. » « Un mot encore. Vous ne ferez pas état dans votre procès-verbal de l'empreinte que je vous avais signalée dans le jardin ?»« Mon Dieu, non. Puisqu'aussi bien je ne l'ai vue qu'à peine. » Juste, très juste. De mon côté, je n'en parlerai pas. Allons, au revoir, monsieur le commissaire, et encore merci. Tout à votre disposition, et à bientôt, j'espère. À bientôt. Et maintenant, songea Coche, à nous deux. Fin de la deuxième partie du chapitre 3, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en août 2010.